Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 22 février, ça y est, c'est le dernier jour de travail, c'est bientôt le week-end. Et en ce 22 février, nous souhaitons une bonne fête aux Isabelles, ça vient de l'hébreu Dieu et serment. Douceur et fragilité émanent de la charmante Isabelle. Féminine jusqu'au bout des ongles, elle est agréable, conciliante et tout particulièrement sensible. Son émotivité à fleur de peau n'est pas sans lui poser quelques problèmes. Impressionnable, suggestible, Isabelle est très perméable à l'ambiance dans laquelle elle se trouve. Cette réceptivité, si elle favorise l'éclosion de talents artistiques, n'en est pas moins à l'origine d'inquiétudes ou de peurs. Lors de situations difficiles, comme celle d'examen ou face à l'inconnu, elle perd facilement ses moyens. En revanche, elle donne le maximum d'elle-même lorsqu'elle se trouve dans un environnement qui lui convient. Isabelle est une douce rêveuse, imaginative, voire fantasque, éprise de merveilleux ou de magique. Un brin de fantaisie l'anime, elle est ennemie de la routine. Vivre, pour elle, c'est rêver, s'abandonner à ses émotions ou à ses sensations. Les basses réalités matérielles la laissent de marbre. Dicton du jour, alors il y en a plusieurs, on commence avec celui-ci. À la Sainte Isabelle, si l'aurore est belle et s'il fait soleil au matin, c'est du bon temps pour les grains. Le temps qu'il fait le jour de la Sainte Isabelle dure jusqu'au rameau. Neige à la Sainte Isabelle fait la fleur plus belle. Vent et primevère à la Sainte Isabelle, si elles ne le sont point, elles ne seront pas plus belles. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale du scoutisme, célébrée par l'Association mondiale des guides et éclaireurs et par l'Organisation mondiale du mouvement scout en souvenir de la naissance de Lord Baden-Powell en 1857 et de son épouse en 1889, fondateur du scoutisme. Au Japon, c'est le jour des chats. En République dominicaine, c'est la journée du drapeau. Et à Sainte-Lucie, c'est la fête de l'indépendance qui commémore l'indépendance obtenue vis-à-vis du Royaume-Uni. À noter que ce n'est pas la fête nationale. Et dans les événements qui se sont déroulés un 22 février en 1979, indépendance de Sainte-Lucie. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec la chanteuse Linda De Souza et son titre Tiroli Tirola. On a Linda De Souza avec le titre Tiroli Tirola sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 22 février 1948, naissance justement de Linda De Souza, chanteuse française hein, d'origine portugaise. 1950, naissance de Miu Miu, actrice française, vue dans Les Aventures de Rabbi Jacob dans le rôle d'Antoinette Pivert, Les Valseuses dans le rôle de Marie-Ange, D'Amour et d'Eau Fraîche, La Dérobade dans le rôle de Marie, récompensée par le César de la meilleure actrice, Tango, Germinal dans le rôle de Maheude, Un Indien dans la ville dans le rôle de Patricia, Ma femme me quitte ou encore Le huitième jour dans le rôle de Julie. C'est également l'année de naissance de Gillie Walters, actrice britannique vue dans Billy Elliot dans le rôle de Mrs. Wilkinson, dans la saga des Harry Potter dans le rôle de Molly Weasley, la mère hein, de Ron Weasley, le meilleur ami d'Harry Potter, vue également dans Mamma Mia dans le rôle de Rosie Mulligan, rôle qu'elle a d'ailleurs repris dans Mamma Mia Here We Go Again, sorti l'année dernière, vue dans Paddington 1 et 2 dans le rôle de Madame Bird, et l'année dernière également dans Le Retour de Mary Poppins dans le rôle d'Hélène. 1951, naissance de Bruno Bauchery qui fut escrimeur français, champion olympique par équipe au JO d'été de 1980. 1952, naissance de Jacques Boyniche, acteur français, vu dans Les Enquêtes du commissaire Maigret, Docteur Sylvestre, Les Cordiers jugés flics, Julie Lescaut, Joséphine Ange-Gardien, ainsi que Plus belle la vie dans le rôle de Régis Renato. 1959, naissance de Kyle MacLachlan, acteur américain, vu dans Blue Velvet dans le rôle de Jeffrey Beaumont, La famille Pierre à feu, Hamlet dans le rôle de Claudius, la série télé Twin Peaks dans le rôle de l'agent Dale Cooper, Sex and the City dans le rôle de Trey McDougall, Desperate Housewives dans le rôle d'Orson Hodge, How I Met Your Mother, The Good Wife dans le rôle de Josh Perotti ou encore Marvel, les agents du Shield. 1968, naissance de Jeri Ryan, actrice américaine, vue dans la série télé Boston Public dans le rôle de Ronnie Cook, Mon oncle Charlie dans le rôle de Sherry ou encore Buddy of Proof dans le rôle de Kate Murphy. 1969, naissance de Thomas Jane, acteur américain, vu dans Volteface, La Ligne Rouge dans le rôle du soldat H, The Punisher dans le rôle de Frank Castle alias The Punisher. 1972, naissance de Michael Chang, ancien joueur de tennis américain ayant fait carrière de 1988 à 2003, qui a été numéro 2 mondial en 96, qui a gagné une fois Roland Garros, c'était en 89. Il a été une fois finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open. Quart de finaliste à Wimbledon, il a remporté une Coupe Davis en 90 et une World Team Cup en 93. 1973, naissance d'Olivier Giraud, ancien joueur et entraîneur de handball français qui avait été joueur de 1990 à 2008, entraîneur de 2008 à 2011 du Paris Handball. Il fait partie de la génération de joueurs internationaux ayant remporté les trois titres majeurs, hein, le titre olympique en 2008, le titre mondial en 2001 et un titre européen en 2006. Et à noter que depuis le 3 février 2018, il est président de la Ligue nationale de handball. 1974, naissance de James Blunt, chanteur britannique. 1975, naissance de Drew Barrymore, actrice américaine connue pour son rôle de Gertie dans E.T. l'extraterrestre, vue dans Batman Forever, Scream, College Attitude dans le rôle de Josie Geller, Charlie et ses drôles de dames, Charlie's Angel, Les Anges se déchaînent dans le rôle de Dylan Sanders, Ce que pensent les hommes dans le rôle de Marie, Ma meilleure amie, productrice de Charlie et ses drôles de dames et de Charlie Angel 2, productrice exécutive de College Attitude, Ce que pensent les hommes ou encore célibataire mode d'emploi. 1979, naissance d'Armelle Dodge, actrice française vue dans Le Placard dans le rôle d'Ariane, Laisse tes mains sur mes hanches dans le rôle de Marie, Sino Sex and Son, la mini-série Le Mystère du Lac ainsi que la suite Le Tueur du Lac dans le rôle de Karine Delval, vue également dans la série Le Secret d'Élise dans le rôle de Sylvie Antoven. 1985, naissance de Zach Rohrig, acteur américain, vu dans la série télé As the World Turns dans le rôle de Casey Hughes, mais surtout connu pour son rôle de Matt Donovan dans Vampire Diaries. Il est apparu également dans la série dérivée The Originals et il reprend son rôle de Matt Donovan dans la nouvelle série Legacy. 1976, décédée Florence Ballard, chanteuse américaine du groupe Supremes de 1959 à 1967. Et en 1987, décédée Andy Warhol, artiste américain, l'un des principaux représentants du pop art. Et tout de suite, on écoute James Blunt avec son titre « You are beautiful ». Life is brilliant. of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked. Son titre You Are Beautiful sur le 107FM, un peu plus de 8h44, et il est temps, eh bien, pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Alors aujourd'hui, eh bien, on aura des nuages, mais également du soleil, des températures comprises entre 3 et 5 degrés ce matin, entre 11 et 13 degrés pour cet après-midi. Samedi et dimanche seront de très belles journées ensoleillées, avec pour samedi des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés prévus pour demain après-midi, et pour dimanche des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin, et entre 8 et 9 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec du basket et un match de qualification pour la Coupe du Monde, où la France s'est inclinée hier soir face à la Finlande, 69 à 76. Prochain match pour l'équipe de France, ce sera dimanche, contre la République tchèque. Et du côté de chez nous, en National 3, samedi, Mirecourt recevra le club de Rapeissen. En football, en Europa League, victoire et qualification de Rennes pour les huitièmes de finale, 3-1 au Betis Séville. Arsenal s'est imposé 3-0 face à Bateau, et donc qualifié pour les huitièmes, tout comme Chelsea qui s'est imposé 3-0 face à Malmö, avec parmi ces trois buts, un but inscrit par Olivier Giroud. En Ligue 1, ce soir, Dijon reçoit Saint-Etienne, Strasbourg Lille, samedi le PSG recevra Nîmes, Amiens Nice, Guingamp Angers, dimanche Montpellier recevra Reims, Nantes Bordeaux, Toulouse Caen, Rennes Marseille, et on terminera avec Monaco Lyon. En Ligue 2, ce soir, Metz reçoit le Paris FC et Nancy reçoit le GFC Ajaccio. En National 2, samedi, Épinal recevra le club d'Arras. En National 3, Thaon-les-Vosges recevra le club de Vauban-Strasbourg et Raon-l'Étape se déplacera à Saint-Louis. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Marseille où Humbert continue son bonhomme de chemin. Il s'est imposé en 2-7 face à Coric, rien que ça, 6-3, 6-3. En revanche, élimination de Benoît Paire en 2-7 face à Goffin, 6-2, 6-3. Et élimination de Barrère en 2-7 face à Stavkovski, 6-3, 6-4. Aujourd'hui, Humbert affrontera Bachinger et Gilles Simon se reposait à Goffin. À Delray Beach, aujourd'hui, Adrian Manarino affrontera Isner. Et à Budapest, Pauline Parmentier affrontera Alexandrova. Un mot de biathlon avec les championnats d'Europe. Hier, c'était les relais. Tout d'abord, le relais mixte simple qui a été remporté par la Russie devant la Suède et la France qui termine troisième avec donc Aristide Beg et Lou-Jean Monod. Et le relais mixte a été remporté par la Suède devant l'Allemagne et la Biélorussie. La France, elle, termine neuvième. À noter que samedi auront lieu les sprints et dimanche, eh bien, ce sera les poursuite, un mot de ski de fond avec le sprint où les Français Jouve et Chanavin se sont classés dans le top 6. Un mot de rugby maintenant avec le tournoi des 6 nations samedi France-Écosse et on termine avec du hockey sur glace en Détroit dimanche. Premier tour aller pour Épinal qui se déplace donc à Nice pour affronter l'équipe 2 de cette ville. Parce que je vous rappelle que l'équipe première joue en Magnus. Et à noter que le match retour, eh bien, ce sera le 2 mars prochain. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec les Supremes et leur titre Baby Love. Eh bien, c'était Baby Love avec les Supremes. Il est que 8h50, on a encore un petit peu de temps. Alors, comme dans quelques minutes, la matinale va partir en week-end, eh bien, on écoute Laurie. Un petit souvenir, hein, juste pour le fun. La grande voix pour dormir à la belle étoile. Moi je reste au lit au moins jusqu'à midi. Sans oublier les maniaques du ménage, ou encore ceux qui déménagent. Les plaisirs sont variés pour ne pas s'ennuyer. Du lundi au vendredi, on n'attend qu'une chose, c'est compter les jours. Et oui, nous sommes vendredi, synonyme de week-end. Allez, on va faire un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Alors, pardon, excusez-moi. À 9h, ce sera Ours et Carottes. À 11h, Mille et une histoires du tatouage avec Alexandre. 13h30, la rediffusion des Secrets de Mathilde. 14h, rediffusion de J'aimais, je vous lis avec Dominique. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic. 17h, la rediffusion de Mille et une histoires du tatouage. Et à 21h, eh bien, vous retrouverez Vincent pour Vivre et créer à la montagne. Quant à nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.